L'ami Fritz, écrit par messieurs Erckmann et Chatrillon, lu par Armen pour audiocité.net. Lorsque Zacharias Cobus, juge de paix à Hunebourg, mourut en 1832, son fils Fritz Cobus, se voyant à la tête d'une belle maison sur la place des Acacias, d'une bonne ferme dans la vallée de Maisenthal et de pas mal d'écus placés sur solides hypothèques, essuya ses larmes et se dit avec l'ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage à l'homme des travaux qu'il fait sur la terre ? Une génération passe et l'autre vient. Le soleil se lève et se couche aujourd'hui comme hier. Le vent souffle au nord, puis il souffle au midi. Les fleuves vont à la mer et la mer n'en est pas remplie. Toute chose travaille plus que l'homme ne saurait dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille d'entendre. On oublie les choses passées, on oubliera celles qui viennent. Le mieux est de ne rien faire pour n'avoir rien à se reprocher. » C'est ainsi que raisonna Fritz Cobus en ce jour. Et le lendemain, voyant qu'il avait bien raisonné la veille, il se dit encore « Tu te lèveras le matin entre 7 et 8 heures et la vieille Cattle t'apportera ton déjeuner que tu choisiras toi-même selon ton goût. Ensuite, tu pourras aller soit au casino lire le journal, soit faire un tour au champ pour te mettre en appétit. À midi, tu reviendras dîner. Après le dîner, tu vérifieras tes comptes. Tu recevras tes rentes, tu feras tes marchés. Le soir après souper, tu iras à la brasserie du Grand Cerf faire quelques parties de yoker ou de rams avec les premiers venus. Tu fumeras des pipes, tu videras des chopes et tu seras l'homme le plus heureux du monde. Tâche toujours d'avoir la tête froide, le ventre libre et les pieds chauds. C'est le précepte de la sagesse. Et surtout, évite ces trois choses, de devenir trop gras, de prendre des actions industrielles et de te marier. Avec cela, Cobus, j'ose te prédire que tu deviendras vieux comme Mathusalem. Ceux qui te suivront diront « C'était un homme d'esprit, un homme de bon sens, un joyeux compère. » Que peux-tu désirer de plus quand le roi Salomon déclare lui-même que l'accident qui frappe l'homme et celui qui frappe la bête sont un seul et même accident ? Que la mort de l'un est la même mort que celle de l'autre, et qu'ils ont tous deux le même souffle. Puisqu'il en est ainsi, pensa Cobus, tâchons au moins de profiter de notre souffle pendant qu'il nous est permis de souffler. Or, durant 15 ans, Fritz Cobus suivit exactement la règle qu'il s'était tracée d'avance. Sa vieille servante Cattle, la meilleure cuisinière de Hunebourg, lui servit toujours les morceaux qu'il aimait le plus, apprêté de la façon qu'il voulait. Il eut toujours la meilleure choucroute, le meilleur jambon, les meilleures andouilles et le meilleur vin du pays. Il prit régulièrement ses 5 chopes de bockbier à la brasserie du Grand Cerf. Il lut régulièrement le même journal à la même heure. Il fit régulièrement ses parties de yoker et de rams, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Tout changeait autour de lui. Fritz Cobus seul ne changeait pas. Tous ses anciens camarades montaient en grade et Cobus ne leur portait pas envie. Au contraire, lisait-il dans son journal que Jerry Hans venait d'être nommé capitaine de Hussards à cause de son courage, que Franz Zeppel venait d'inventer une machine pour filer le chanvre à moitié prix, que Petrus venait d'obtenir une chaire de métaphysique à Munich, que Nicol Bischoff venait d'être décoré de l'ordre du mérite pour ses belles poésies. Aussitôt, il se réjouissait et disait « Voyez comme ces gaillards-là se donnent de la peine. Les uns se font casser bras et jambes pour me garder mon bien, les autres font des inventions pour m'obtenir les choses à bon marché, les autres suçant et haut pour écrire des poésies et me faire passer un bon quart d'heure quand je m'ennuie. Ha ha ha, les bons enfants !» Et les grosses joues de Cobus se relevaient, sa grande bouche se fendait jusqu'aux oreilles, son large nez s'épatait de satisfaction. Il poussait un éclat de rire qui n'en finissait plus. Du reste, ayant toujours eu soin de prendre un exercice modéré, Fritz se portait de mieux en mieux. Sa fortune s'augmentait raisonnablement parce qu'il n'achetait pas d'actions et ne voulait pas s'enrichir d'un seul coup. Il était exempt de tous les soucis de la famille, étant resté garçon. Tout le secondait, Tout le satisfaisait, tout le réjouissait. C'était un exemple vivant de la bonne humeur que vous procure le bon sens et la sagesse humaine, et naturellement, il avait des amis ayant des écus. On ne pouvait être plus content que Fritz, mais ce n'était pas tout à fait sans peine, car je vous laisse à penser les propositions de mariage innombrables qu'il avait dû refuser durant ses 15 ans. Je vous laisse à penser toutes les veuves et toutes les jeunes filles qui avaient voulu se dévouer à son bonheur, toutes les ruses des bonnes mères de famille qui, de mois en mois et d'année en année, avaient essayé de l'attirer dans leur maison et de le faire se décider en faveur de Charlotte ou de Gretchen. Non, ce n'est pas sans peine que Cobus avait sauvé sa liberté de cette conspiration universelle. Il y avait surtout le vieux rabbin, David Zichel, le plus grand arrangeur de mariage qu'on ait jamais vu dans ce bas monde. Il y avait surtout ce vieux rabbin qui s'acharnait à vouloir marier Fritz. On aurait dit que son honneur était engagé dans le succès de l'affaire. Et le pire, c'est que Cobus aimait beaucoup ce vieux David. Il l'aimait pour l'avoir vu dès son enfance assis du matin au soir chez le juge de paix, son respectable père, pour l'avoir entendu nasiller, discuter et crier autour de son berceau, pour avoir sauté sur ses vieilles cuisses maigres en lui tirant la barbiche, pour avoir appris le yiddish de sa propre bouche, pour s'être amusé dans la cour de la vieille synagogue, et enfin pour avoir dîné tout petit dans la tente de feuillage que David Zichel dressait chez lui, comme tous les fils d'Israël, au jour de la fête des tabernacles. Tous ces souvenirs se mêlaient et se confondaient dans l'esprit de Fritz avec les plus beaux jours de son enfance. Aussi n'avait-il pas de plus grand plaisir que de voir, de près ou de loin, le profil du vieux Rebbe, avec son chapeau râpé penché sur le derrière de la tête, son bonnet de coton noir tiré sur la nuque, sa vieille capote verte au grand collet graisseux, remontant jusque par-dessus les oreilles, son nez crochu barbouillé de tabac, sa barbiche grise, ses longues jambes maigres revêtues de bas noirs formant de larges plis comme autour de manches à balai et ses souliers ronds à boucles de cuivre. Oui, cette bonne figure jaune, pleine de finesse et de bohémie, avait le privilège d'égayer Cobus plus que tout autre à une bourre, et du plus loin qu'il l'apercevait dans la rue, il lui criait d'un accent nasillard, imitant le geste et la voix du vieux Rebbe. Hé hé, vieux poche Israël, comment ça va-t-il? Arrive donc que je te fasse goûter mon Kirschenwasser. Quoique David Zichel eût plus de 70 ans et que Fritz n'en eût guère que 36, ils se tutoyaient et ne pouvaient se passer l'un de l'autre. Le vieux Rebbe s'approchait donc en agitant la tête d'un air grotesque et psalmodiant. « Chaude, chaude, tu ne changeras donc jamais. Tu seras donc toujours le même fou que j'ai connu, que j'ai fait sauter sur mes genoux et qui voulait m'arracher la barbe. Cobus, il y a dans toi l'esprit de ton père. C'était un vieux braque qui voulait connaître le Talmud et les prophètes mieux que moi. » Et qui se moquait des choses saintes comme un véritable païen. S'il n'avait pas été le meilleur homme du monde, et s'il n'avait pas rendu des jugements à son tribunal aussi beaux que ceux de Salomon, il aurait mérité d'être pendu. Toi, tu lui ressembles, tu es un Épicaurus. Aussi je te pardonne, il faut que je te pardonne. Épicaurus, épicurien. Alors Fritz se mettait à rire aux larmes. Ils montaient ensemble prendre un verre de Kirschenwasser que le vieux rabbin ne dédaignait pas. Ils causaient en yiddish des affaires de la ville, du prix des blés, du bétail et de tout. Quelquefois David avait besoin d'argent et Cobus lui avançait d'assez fortes sommes sans intérêt. Bref, il aimait le vieux Rebbe. Il l'aimait beaucoup et David Zichel, après sa femme Zourlé et ses deux garçons Isidore et Nathan, n'avait pas de meilleur ami que Fritz. Mais il abusait de son amitié pour vouloir le marier. À peine étaient-ils assis depuis 20 minutes en face l'un de l'autre, causant d'affaires, et se regardant avec ce plaisir que deux amis éprouvent toujours à se voir, à s'entendre, à s'exprimer ouvertement sans arrière-pensée, ce qu'on ne peut jamais faire avec des étrangers. À peine étaient-ils ainsi, et dans un de ces moments où la conversation sur les affaires du jour s'épuise, que la physionomie du vieux rébé prenait un caractère rêveur, puis s'animait tout à coup d'un reflet étrange et qu'il s'écriait « Cobus, connais-tu la jeune veuve du conseiller Römer ? Sais-tu que c'est une jolie femme ? Oui, une jolie femme. Elle a de beaux yeux, cette jeune veuve. Elle est aussi très aimable. Sais-tu qu'avant-hier, comme je passais devant sa maison dans la rue de l'Arsenal, voilà qu'elle se penche à la fenêtre et me dit « Eh, c'est monsieur le rabbin Sichel, que j'ai le plaisir à vous voir, mon cher monsieur Sichel. » Alors Cobus, moi tout surpris, je m'arrête et je lui réponds en souriant « Comment un vieux bonhomme tel que David Sichel peut-il charmer d'aussi beaux yeux, madame Römer ? Non, non, cela n'est pas possible. Je vois que c'est par bonté d'âme que vous dites ces choses. Et vraiment, Cobus, elle est bonne et gracieuse. Et puis, elle a de l'esprit. Elle est, selon les paroles du Cantique des Cantiques, comme la rose de Saron et le muguet des vallées, » disait le vieux rabbin en s'animant de plus en plus. Mais voyant Fritz sourire, il s'interrompait en balançant la tête et s'écriait « Tu ris, il faut toujours que tu ris. Est-ce une manière de converser cela ? Voyons, n'est-elle pas ce que je dis ? Ai-je raison ? Elle est encore mille fois plus belle, » répondait Cobus. « Seulement, raconte-moi le reste. Elle t'a fait entrer chez elle, n'est-ce pas ? Elle veut se remarier. » « Oui. Ah bon ? Ça fait la 23e. » « La 23e que tu refuses de ma propre main, Cobus !»« C'est vrai, David, avec chagrin, avec grand chagrin. Je voudrais me marier pour te faire plaisir, mais tu sais... » Alors le vieux rébet se fâchait. « Oui, disait-il, je sais que tu es un gros égoïste, un homme qui ne pense qu'à boire et à manger, et qui se fait des idées extraordinaires de sa grandeur. Eh bien, tu as tort, Fritz Cobus. Oui. » Tu as tort de refuser des personnes honnêtes, les meilleures parties de Hunebourg, car tu deviens vieux, encore 3 ou 4 ans, et tu auras des cheveux gris. Alors tu m'appelleras, tu diras « David, cherche-moi une femme, cours !» N'en vois-tu pas une qui me convienne ? Mais il ne sera plus temps, maudit chaud qui rit de tout. Cette veuve est encore bien bonne de vouloir de toi. » Plus le vieux rabbin se fâchait, plus Fritz riait. « C'est cette manière de rire !» criait David en se levant et balançant ses deux mains près de ses oreilles. « C'est cette manière de rire que je ne peux pas voir. Voilà ce qui me fâche. Ne faut-il pas être fou pour rire de cette façon ?» Et s'arrêtant. « Cobus !» disait-il en faisant une grimace de dépit. « Avec ta façon de rire, tu me feras sauver de ta maison. Tu ne peux donc pas être grave une fois ?» Une seule fois dans ta vie ? Allons, pocher Israël, disait Fritz à son tour. Assieds-toi, vidons encore un petit verre de ce vieux Kirsch. Que ce Kirschenwasser me soit du poison, disait le vieux rébé fort dépité. Si je reviens encore une fois chez toi, ta façon de rire est tellement bête que ça me tourne sur le cœur. Et la tête roide, il descendait l'escalier en criant. « C'est la dernière fois, Cobus, la dernière fois !»« Bah !» disait Fritz penché sur la rampe et les joues épanouies de plaisir. « Tu reviendras demain. »« Jamais !»« Demain, David. Tu sais, la bouteille est encore à moitié pleine. » Le vieux rabbin remontait la rue à grands pas, marmottant dans sa barbe grise. Et Fritz, heureux comme un roi, renfermait la bouteille dans l'armoire et se disait « Ça fait la 23e. Ah, vieux poché Israël, m'as-tu fait du bon sang ?» Le lendemain ou le surlendemain, David revenait à l'appel de Cobus. Il se rasseyait à la même table, et de ce qui s'était passé la veille, il n'en était plus question.